بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Mes frères bien-aimés, de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons les cours de cet après-midi, qui sont des cours de tawhid à travers lesquels nous sommes actuellement en train de faire de citer les noms d'Allah azza wa jal, les plus beaux, les merveilleux, dignes de lui subhanahu wa ta'ala, en citant un aperçu de leur sens, de leur portée et de leur valeur et de ce qui s'y rapporte. Nous sommes toujours en train de citer les noms d'Allah azza wa jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux et l'absoluteur. Et nous sommes en train de citer actuellement comment adorer Allah azza wa jal à travers ces noms. Nous avons cité le dernier point que nous avons cité ensemble la fois passée, c'était le fait de savoir qu'Allah, élevé soit-il, a établi des conditions au pardon des péchés et à leur effacement, parmi lesquelles ne pas persister dans les péchés et de ne pas les commettre publiquement. Il nous reste deux points parmi les conditions de l'acceptation, afin qu'Allah Azza wa Jalla pardonne les péchés. On les citera, Inch'Allah Azza wa Jalla. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droit dur dans ce qui va être dit. Donc avant de poursuivre, il convient peut-être de faire un petit rappel de ce dont... du sujet dont nous parlons. Nous avons apporté le recensement des noms d'Allah. Et à travers cela, nous avons parlé de comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ses noms majestueux et merveilleux et les plus beaux, le très pardonneur, le grand pardonneur et l'absoluteur. Comment adorer Allah Azza wa Jal à travers cela? Nous avons cité un certain nombre de points. Et parmi ces points, nous avons dit qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, qu'ils soient petits ou grands, faits une seule fois ou en répétition. Nous avons parlé de ça, alhamdoulilah. Après, nous avons dit que Allah Azza wa Jalla a établi des causes par lesquelles il pardonne les péchés. Comme nous avons cité les cinq prières, le jeûne du Ramadan, le jeûne de Arafat, etc. Après, nous avons dit que Allah Azza wa Jalla a établi, subhanahu wa ta'ala, des conditions sous lesquelles il pardonne les péchés. Nous avons cité premièrement de ne pas persister dans le péché et deuxièmement ne pas faire le péché publiquement. Il nous reste deux éléments avec lesquels nous commencerons le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, la troisième condition pour l'absolution des péchés, c'est de ne pas mourir dans la mécréance ou l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est en deçà de cela à qui il veut, et quiconque associe à Allah a certes forgé un péché immense. » Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout péché, il se peut qu'Allah le pardonne, sauf l'homme qui meurt mécréant, ou l'homme qui tue un croyant délibérément. » Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis, et celui qui meurt en associant à Allah quoi que ce soit entrera en enfer. » Donc cela est la troisième condition parmi les conditions qu'Allah Azzawajal a établies pour le pardon des péchés. C'est que la personne ne meure pas mécréante ou associateur. En effet, Allah Azzawajal pardonne tous les péchés et même la mécréance et l'associationnisme. Il les pardonne tant que la personne est vivante, tant que la personne a la capacité d'œuvrer, de se repentir, de revenir vers Allah. Mais si la personne venait à mourir sur la mécréance, sur le polythéisme, son sort est scellé. Elle aura elle-même scellé son sort par l'associationnisme qu'elle aura fait et la mécréance qu'elle aura fait également. Donc, Allah Azza wa Jal peut pardonner le shirk, l'associationnisme, ou bien le polythéisme, ou bien la mécréance, tant que la personne est vivante. S'il se repent, alhamdoulilah. Les compagnons, une grande partie parmi eux, étaient associateurs. Mais ils sont repentis, ils ont embrassé l'islam, ils sont convertis, alhamdoulilah. De même pour toute autre personne. Il y a même des personnes qui étaient musulmans, qui ont apostasié, qui ont réembrassé l'islam, alhamdoulilah, leur islam à nouveau a été accepté, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Sauf que, si une personne fait un acte de mécréance, ou bien mécroit en Allah Azza wa Jal, ou bien fait du polythéisme, et qu'elle meurt avant de pouvoir se repentir, de pouvoir se corriger, là, très malheureusement pour cette personne, son sort sera scellé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Les savants ont dit que le pardon qu'Allah Azza wa Jalla n'accorde pas pour celui qui associe, c'est celui qui meurt dans cet état. Ça veut dire qu'il est mort en tant qu'associateur. Et dans le Coran, Allah établit clairement qu'il a interdit sa miséricorde et le paradis pour celui qui meurt mécréant ou bien celui qui meurt polythéiste. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en deçà de cela à ceux qu'il veut. Donc, la troisième condition du pardon des péchés, c'est de ne pas mourir mécréant ou associateur. Car celui qui meurt mécréant ou associateur, non seulement sa mécréance ne sera pas pardonnée, et même le reste de ses péchés ne seront pas pardonnés. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tout péché, il se peut qu'Allah le pardonne, sauf l'homme qui meurt mécréant. Si une personne meurt mécréante, très malheureusement pour cette personne, elle aura scellé son sort, na'udhu billah. » Dans l'autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui meurt sans rien associer à Allah entrera au paradis, et celui qui meurt en associant à Allah quoi que ce soit, entrera en enfer. » Donc si une personne, au moment de la mort, le cœur de la personne sera sondé. Si ce cœur renferme la foi en Allah Azza wa Jal et ce qu'il doit croire, cette personne rentrera forcément au paradis, même si elle devra éventuellement avoir un passage en enfer pour se purifier de ses péchés. Mais tant qu'elle croit en Allah et en sa religion et en son prophète, la personne rentrera au paradis un jour ou l'autre et finira éternellement au paradis, Inch'Allah. Alors qu'au moment de la mort, si on sonde le cœur de la personne, et ses actes bien sûr, et qu'il ait vu que cette personne était mécréante ou associatrice, cette personne sera vouée éternellement en enfer. Elle ne pourra pas en sortir, car elle est morte mécréante, et Allah, encore une fois, a interdit sa miséricorde et son paradis à celui qui meurt mécréant. Donc ceci était la troisième condition parmi les conditions pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. Et la quatrième condition, c'est ce qui va être cité après avoir été dit en arabe, Inch'Allah. La quatrième condition pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, c'est que la personne se repente de ses péchés avant que ne survienne la mort, et qu'avant ne se lève l'heure, ou bien avant que le soleil ne se lève de son couchant. Allah Azza wa Jal accepte le repentir de ceux qui se repentent, quel que soit leur péché. Aussi grave soit-il, aussi grand soit-il, aussi répétitif soit-il. À condition que la personne se repente avant ces deux moments-là. Avant, lors de la mort. Lors de la mort, c'est quoi? C'est le moment où l'âme commence à sortir. C'est le moment où la personne voit l'ange de la mort. Quand la personne voit l'ange de la mort, à ce moment, à partir de ce moment, la personne aura la certitude. Aura la certitude parce qu'elle verra les anges. Elle saura qu'est-ce qui l'attend. Donc là, c'est la certitude. Et à ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. Quand la personne voit l'ange de la mort, ou bien quand l'âme commence à sortir du corps, là, c'est le moment où les œuvres sont scellées et le repentir n'est plus accepté. Voilà pourquoi, lorsque Allah Azza wa Jal a noyé Pharaon et son armée, lorsque Pharaon a vu les choses, il a vu les choses réellement et concrètement. Là, il a su la vérité. Et à ce moment-là, il a prononcé l'attestation de la foi. Il a dit, je crois en celui en qui croient les enfants d'Israël. Il lui fut dit, maintenant tu crois, alors qu'auparavant tu étais mécréant. Donc maintenant, ça veut dire que maintenant c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la condition de l'acceptation du repentir et du pardon, c'est que la personne se repente avant ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, elle verra l'épreuve de la vérité, elle aura la science réelle et certaine, et à ce moment-là, ce sera trop tard. L'autre condition, c'est que la personne se repente avant que le soleil ne se lève de son couchant. Ça veut dire, lorsqu'il y aura ce grand signe parmi les signes de la fin des temps, une fois que ce signe apparaît, les portes du repentir sont fermées. Et personne ne pourra se repentir à partir de ce moment. Et aucun repentir ne sera accepté. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde à tous. Amin. Le septième point parmi les points de comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ses noms, c'est que tu magnifies Allah, élevé soit-il. Que tu le prennes prennes pleinement conscience de la gravité de la désobéissance de son ordre et de son interdiction, et que tu ne minimises pas la désobéissance et que tu ne dévalorises pas les péchés. Allah a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, dit « Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour immense. » En effet, Allah Azza wa Jal, c'est le tout miséricordieux, très miséricordieux, le grand pardonneur, le très pardonneur, l'absoluteur. Mais c'est également Allah. C'est le Seigneur des mondes. C'est le Juge suprême, c'est le Roi des rois. C'est le Majestueux, c'est le Tout-Haut. C'est le Tout-Puissant. Donc, le fait qu'il te pardonne, sache qu'en même temps, il châtie ce qu'il veut. Et son châtiment est terrible et dur et rude. Donc, il incombe aux musulmans de magnifier Allah Azza wa Jal, d'accorder à Allah Azza wa Jal sa juste valeur, sa grandeur. Ressentir ça. Ressentir la grandeur d'Allah subhanahu wa Azza wa Jal. Et aussi, ressentir la gravité des péchés, quels qu'ils soient. Parce que le péché, ce n'est pas juste un feu rouge que tu n'as pas respecté. Ce n'est pas un code de bon comportement que tu as négligé. Le péché, c'est une rébellion que tu fais vis-à-vis du Seigneur des mondes. Il t'a dit « ne fais pas » et tu fais. Qui t'a dit « ne fais pas » C'est Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui t'a donné tout ce que tu as. Celui qui te comble de ses bienfaits de manière que tu ignores même. Celui qui répond à tes invocations, celui qui pardonne tes péchés. Et toi, tu viens, tu te rebelles et tu désobéis à ses ordres. Il te dit, fais la prière et tu ne fais pas. Respecte les horaires de prière et tu négliges. Il te dit, ne consomme pas et tu consommes, ne mens pas et tu mens. Donc, ce n'est pas juste une chose un code que tu n'as pas respecté. C'est bien plus grave. C'est une désobéissance du Seigneur des mondes. Donc, fait partie de l'adoration d'Allah à travers ses noms, le fait de d'avoir présent en son esprit cela, la grandeur d'Allah et la gravité du péché. Ce qui doit pousser le croyant à ne pas minimiser les péchés, à ne pas dévaloriser la désobéissance. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a enseigné à son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam de dire « Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense. » Donc la crainte d'Allah Azza wa Jalla doit être présente, doit être constante. Pas que la crainte, certes, l'espoir aussi, mais la crainte est nécessaire, car l'espoir tout seul ne suffit pas. Donc il faut que l'adoration du serviteur soit équilibrée avec cette crainte qui nourrit en lui le sentiment, le fait de ressentir la grandeur d'Allah, la crainte qui nourrit en lui l'abstention de faire les péchés, la retenue de faire les péchés. Le septième point parmi les éléments de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla à travers ses nobles noms, c'est le fait de s'efforcer d'éviter les péchés, mineurs comme majeurs, en raison de la gravité de la désobéissance d'Allah, Seigneur des mondes, de ses conséquences funestes dans ce bas monde, dans la religion et dans l'au-delà. Et parce que l'homme ne garantit ni qu'Allah, qu'il soit-il, lui accorde le succès de se repentir, ni qu'Allah Azza wa Jalla lui garantit que la demande de pardon qu'il formulera sera acceptée par lui, subhanahu wa ta'ala. En effet, au vu de ce que nous avons vu, il convient aux croyants d'éviter les péchés, de s'en écarter, de s'efforcer à se soustraire à ces pratiques. Pourquoi ? Parce que celui à qui on désobéit, c'est Allah, le Seigneur des mondes. Et cela veut tout dire. Imagine un enfant qui désobéit à son père, à sa mère. Une personne qui aime une autre personne et qui désobéit à ses recommandations ultimes. La femme aime son mari, ils lui disent « je ne veux pas que tu fasses ça ». Si elle a un amour réel pour son mari, elle ne le fait pas parce que son mari n'aime pas. Et si la femme aussi n'aime pas que son mari fasse telle chose et le mari a de l'amour pour sa femme, par respect pour cet amour, il doit éviter de faire ce que sa femme ne veut pas. Et ainsi de suite pour les parents. Ton père ne veut pas que tu fumes la cigarette. Il a horreur de cela. Et il sait que c'est pas bien. Il te dit « je veux pas que tu fumes ». Alors, par amour que tu dois avoir pour ton père et par respect pour lui, il s'en rend, tu ne dois pas fumer, même s'il ne te voit pas, même s'il ne le saura jamais. Mais cet amour que tu as en toi est un moteur qui doit te motiver à éviter cela. Alors que dire du Seigneur des mondes, Allah le Tout, subhanahu wa azza wa jal. Donc, il convient que le musulman s'efforce à éviter au maximum les péchés, à éviter toute source de péché. Tu sais que dans le marché, en été, il y a des épreuves, il y a des fitaines, il y a des choses qui peuvent te pousser vers des péchés. Si tu n'as pas besoin, ne va pas. Même si dans les grandes surfaces, c'est plus cher. Même si dans les grandes surfaces, il n'y a pas exactement ce que tu cherches. Maliche. Tu évites les péchés parce que tu crains ce qui va résulter de ces péchés. On te dit, c'est l'été encore une fois, et tu vas à la côte, dans une plage connue, publique, où il y a beaucoup de monde. Tu penses voir quoi là-bas? Tu penses croiser quoi là-bas? Même si tu as besoin de décompresser, même si tu as besoin de prendre l'air, de sentir la brise marine et tout, même si tu as ces besoins-là. Mais le mal que tu vas faire, que tu vas voir là-bas, est immense. Pourquoi ? Parce que tu vas désobéir à celui qui t'a dit « ne fais pas tel et tel péché, ne fais pas tel et tel péché ». Donc, il convient aux croyants, aux musulmans, là où il sait qu'il y a les péchés, il évite. Nous avons connu des gens ici, dans cette ville ici, qui refusaient d'avoir même des réseaux sociaux, même Internet. parce qu'ils ne se savaient pas capables de se retenir. Alors ils se sont privés de tout. C'est noble. C'est bien. Donc, lorsque tu sais que dans la ville dans où tu vis, à partir de 22 heures, il faut pas aller dans le centre-ville, il faut pas aller dans tel quartier parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très correctes, alors ne va pas. Évite. Et si tu vas, mets les conditions nécessaires pour ne pas tomber dans le péché. Ne sors pas seul. Va directement faire ce que tu as à faire et reviens. Ne regarde pas. Implore Allah. Oh Allah, je vais par nécessité parce que je dois acheter. Il y a une seule et unique épicerie qui est ouverte à 1h du matin. Je dois aller là-bas. Mais il y a des fitaines là-bas. Oh Allah, préserve-moi. Il y a la sincérité, il y a les efforts. Donc, il faut éviter au maximum, il faut faire de grands efforts pour ne pas faire les péchés, ni les petits, ni les grands, ni les minimes, ni les majeurs. Parce que les minimes, nous avons vu leur gravité. D'abord, il ne faut pas voir la petitesse du péché, mais il faut voir la grandeur de celui à qui tu désobéis. Et les petits péchés vont t'emmener. C'est comme une huile gélifiante qui te pousse vers les plus grands péchés. Et les grands péchés te poussent vers même la mécréance. Donc, il faut éviter tout cela. Parmi les raisons qui font que le croyant doit éviter les péchés à tout prix, le maximum qu'il peut, c'est que il sait qu'Allah Azza wa Jalla a établi que les péchés auront de mauvais fruits. Dans la vie ici-bas, dans la vie mondaine, dans la religion et dans l'au-delà. Dans la vie mondaine, c'est qui te donne le risque que tu as? La santé, la sûreté, la sécurité, la paisibilité, la famille, les enfants, l'obéissance de l'épouse, de l'époux, l'obéissance des enfants. C'est qui te donne tout ça? C'est Allah. Tu lui désobéis, il peut te retirer quelque chose. Il peut te punir. Et c'est lui qui choisit de par quoi il va te punir. Et s'il veut te punir parce qu'il fait mal, il te punira parce qu'il fait mal. Combien il y a de personnes qui disent « Wallahi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas la baraka dans mon risque. À la maison, dès que je rentre à la maison, il y a des problèmes. Mes enfants, il y a des problèmes. » Et souvent, on se cache derrière « Ah oui, c'est le monde obscur. » Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que c'est une punition à travers laquelle Allah te punit parce que tu as fait telle et telle chose qu'il ne fallait pas faire et parce que tu n'as pas fait telle et telle chose que tu devais faire. Donc c'est les mauvais fruits, les mauvaises répercussions des péchés. Et tu sais que si Allah te donne un mauvais fruit sur un péché, c'est Allah qui le fait. Donc forcément, ça te fera mal. C'est une raison supplémentaire qui fera que tu t'abstiens de ces péchés. Tu prépares un diplôme. Il se peut, à cause d'un péché, que tu seras privé de ce diplôme et tu devras refaire l'année ou bien avoir un niveau inférieur et avoir un travail moins bien, plus mauvaises conditions de travail, etc., etc. À cause d'un péché, tu peux. Donc voilà pourquoi il faut éviter les péchés, entre autres, par crainte des mauvais fruits dans ce bas monde et dans la religion. En effet, dans la religion, vous savez que les péchés, nous avons parlé de ça. Le péché, c'est une chose, c'est un point. Dès que tu fais un péché, tu as un point noir dans ton cœur. Et tu perds ta foi. Parce que ta foi, elle se nourrit avec les bonnes actions et elle faiblit par les mauvaises. Donc la mauvaise action que tu as fait affaiblit ta foi. Et plus tu en fais, plus ta foi est affaiblie. La lumière que tu as eue à travers les actes d'adoration que tu as pu faire, le jeûne, tarawih, la lecture du Coran, cette lumière qui commence à naître en toi de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu peux l'éteindre avec les péchés. La guider, tu es sur une guidée de par la grâce d'Allah Azza wa Jal. À cause des péchés, tu peux dévier, et même des fois jusqu'à la mécréance. Et vous connaissez un certain nombre d'histoires là-dessus, comme l'histoire de la personne qui était un mu'addin à une époque. Il montait, à l'époque, les mu'addins montaient au-dessus de la mosquée, dans des lieux élevés pour faire le adhan. Il est monté au-dessus et il a vu dans la cour du voisin une fille ou une femme qu'il a aimée. Elle a pris son cœur, il a été épris. Alors absolument, il voulait se marier avec elle. Il la voulait. Elle lui a dit, moi, sans mariage, il n'y a rien. Il a dit, ok, on se marie. Toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien, on ne peut pas. Il n'y a pas de souci. Tu as besoin de quoi? Chrétien, chrétien, je suis chrétien. Et il s'est marié avec elle, il est mort chrétien. Il est mort non musulman. Pourquoi? Un péché. Et les histoires en cela sont nombreuses. Donc la religion peut être affectée avec les péchés et aussi l'au-delà. Nous savons bien qu'il y a des châtiments spécifiques pour certains péchés. Il y a aussi les châtiments de l'enfer et de la tombe pour les péchés. Et qui te dira quelle est la gravité et la douleur du châtiment de la tombe? Et qui te dira encore plus quelle est la douleur et le châtiment de l'enfer? Les flammes de l'enfer, bien le feu de l'enfer est 70, 69 fois plus intense ou 70 fois plus intense que le feu que nous avons dans ce bas monde. Vous voyez les incendies les incendies qui dévastent des forêts. Ça, c'est 1 sur 70 de la puissance du feu de Jahannam. Vous avez fait des barbecues, peut-être sûrement. Et vous avez vu que dans les barbecues, il y a des petites étincelles qui jaillissent du feu. En arabe, on appelle ça charar. Dans le Coran, dans Surat al-Insan, Surat al-Mursalat, Tarmi bi shararin kal qasr. L'enfer éjecte des étincelles comme des palais. Vous voyez, nous, les feux qu'on fait, le feu de bois, encore une fois, les barbecues. Les étincelles, c'est presque microscopique. À peine si on voit une étoile qui se dégage. L'enfer, ces étincelles, c'est quoi? C'est des palais. Donc imaginez la grandeur de l'enfer et l'intensité du feu. Donc, pour ça, le musulman doit avoir peur et doit faire du mieux qu'il peut pour éviter les péchés. Parce qu'en vrai, on ne sait pas pour quel péché on va payer. On ne sait pas quel péché sera le péché qui est de par lequel Allah nous prend de telle ou telle façon. Il y a une femme qui est rentrée en enfer à cause d'un chat. Elle ne l'a ni nourri, ni abreuvé. Et elle n'a pas lâché, elle a attaché, elle n'a pas nourri, elle n'a pas abreuvé. Et elle ne l'a pas libéré pour qu'il se nourrisse tout seul. Et Allah l'a châtié pour cela. Est-ce que vous imaginez que c'est son seul et unique péché de toute sa vie? C'est le seul péché qu'elle a pu faire. وَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَأَ. Allah Azzawajal ne châtie pas une personne pour un seul et unique péché qu'il fait dans toute sa vie. C'est impossible. Allah, c'est le tout miséricordieux, très miséricordieux. Mais le péché principal pour lequel elle a été châtiée, c'est ça. L'autre personne dans la tombe, le prophète a dit, cette personne est châtiée. Pourquoi? Parce qu'il ne se purifiait pas après avoir uriné, ou bien il ne se préservait pas des urines. C'est son seul et unique péché de toute sa vie. Il n'a jamais fait des péchés, il n'a jamais désobéi. Certes, forcément oui. Mais le péché pour lequel il a été châtié dans la tombe, c'est il ne se lave pas, il ne s'essuie pas après les urines, ou bien il se touche les vêtements avec les urines et il néglige, il laisse comme ça. C'est pas quelque chose de وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. C'est pas énorme ce qu'ils ont fait. Mais voilà le résultat. Donc, pour tout cela, il convient aux musulmans de se préserver des péchés, de s'en écarter le maximum possible. Et en plus, il se peut qu'une personne fasse un péché, dit Inch'Allah, je vais me repentir, t'inquiète. Là, c'était la patience, j'étais pris, mais t'inquiète pas, Inch'Allah, le Ramadan va venir, Inch'Allah, je vais me repentir. Et tu sais bien que tu ne peux vouloir que ce qu'Allah veut. Et tu ne peux réaliser que ce qu'Allah veut que tu réalises. Toi, tu dis que je vais me repentir, et qui sait? Quelle garantie as-tu qu'Allah te permettra de te repentir? Vous savez bien que le repentir, Celui qui se repent, c'est Allah qui le guide au repentir. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Allah leur a accordé, leur a permis de se repentir. Donc, est-ce que tu as la garantie qu'Allah Azza wa Jalla te permettra de te repentir? Aucune. Et combien y a-t-il de personnes, comme je vous ai dit, ils étaient au lit de la mort. Ils étaient dans des péchés. Les gens leur ont dit ça, c'est pas le moment. Khlas, tu es en train d'agoniser. Arrête le péché. Il dit non. Donne-moi la cigarette. Donne-moi l'alcool. Chante-moi cette chanson. Mets-moi ceci, mets-moi cela. Parce que Allah Azza wa Jalla a privé ces personnes du repentir. Et toi, qui te dira que tu pourras te repentir? Et vois, des fois, peut-être que tu as fait des choses dans ta vie et que si tu sondes réellement et profondément ton cœur, peut-être que tu ne t'es pas repenti. Après, bien sûr, en se ment à soi-même, oui, au fait, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je demande pardon tout le temps. Mais est-ce que ça sort des fins fonds profondeurs de ton cœur? Est-ce que tu es vraiment sincère? Imagine, tu as la même occasion, la meilleure occasion de refaire le même péché. Tu le referas ou tu ne le referas pas? Tu diras, je crains Allah, ou tu diras, c'est l'occasion de ne pas rater. Tu ne sais pas. Disons que tu te repens. Allah te permet de te repentir. Et qui te garantit que ton repentir sera accepté? Ne sais-tu pas que les pieux serviteurs d'Allah craignaient qu'Allah Azzawajal n'accepte pas leurs actes d'adoration? Leur djihad, leur hajj, leur prière, leur jeûne, leurs bonnes actions qu'ils faisaient, ils faisaient les bonnes actions avec un cœur rempli de crainte qu'Allah n'accepte pas d'eux. Et toi, tu fais le péché et tu dis, non, je vais me repentir, Allah va me pardonner. C'est lui qui décide. Peut-être qu'il va te pardonner, peut-être qu'il ne va pas te pardonner. Donc, pourquoi risquer? Pourquoi prendre le risque? Pourquoi t'exposer à la colère d'Allah? Donc, tout cela nous mène vers ce sens et ce fondement-là, éviter au maximum les péchés. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela. Le huitième point, éprouver la crainte, le regret et le blâme de l'âme après avoir commis des désobéissances et des péchés. Il ne convient donc pas que la personne tombe dans la désobéissance, puis que cela ne produise en elle le moindre effet, tout en ayant la ferme résolution de se repentir et de demander le pardon auprès d'Allah. Lorsque le musulman fait les péchés, et le musulman fait les péchés, il ne faut pas que ce soit un non-événement. Il ne faut pas que ce soit « j'ai fait un péché, salam ». Comme si j'ai fait une sieste, comme si j'ai fait ça, comme si j'ai bu de l'eau, comme si j'ai menti, comme si j'ai dit bonjour, comme si j'ai volé. Ah, normal, j'ai fait ça, j'ai fait le péché, khlas, ne me saoule pas. Tu ne vas pas me prendre la tête avec ça, tu ne vas pas me gâcher ma journée à cause de ça. Non, le musulman ne doit pas être comme ça. Lorsqu'il fait le péché, et rappelez-vous tout ce que nous avons dit pendant un certain temps concernant ce sujet et ce thème, il est nécessaire que le croyant ait peur et craigne. Il convient qu'il ait honte de lui-même, qu'il ne se sente pas bien. Ah oui, moi j'ai fait ça. Moi j'ai désobéi à Allah. Moi j'ai enfreint ses lois et ses ordres. Il doit se reprocher à soi-même. Il doit avoir un examen de conscience et s'en vouloir à soi-même. Comment ai-je pu descendre aussi bas? Comment ai-je pu faire une telle et telle obscénité? Et il est important qu'il ne ressente pas un... Il n'y a rien. Normal, j'ai fait, normal, il n'y a pas de souci. Au contraire, il doit avoir cette crainte, cette honte et ces remords qui le rongent de l'intérieur. Et avec cela, il doit avoir la ferme résolution de se repentir et de ne plus refaire ce péché. Donc ce n'est pas rien d'avoir fait un péché, même un petit péché. Ce n'est pas rien, parce que tu ne sais pas quel sera le résultat. Alors, il est nécessaire que le musulman considère la gravité du péché et qu'il ait toujours en travers la gorge. Il essaie toujours de s'en délivrer de par la grâce d'Allah. Dans le hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, non, plutôt, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'a créé, a dit, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne, craignant qu'elle ne s'abatte sur lui. Quant au pervers, il voit ses péchés comme une mouche qui est passée sur son nez et qu'il fit ainsi avec sa main et l'écarta. Là, Abdullah ibn Mas'ud, c'est le noble compagnon qui avait des propos de grande sagesse et de grands enseignements religieux. Il a dit que le croyant, donc il a cité un niveau de foi. Il n'a pas dit le musulman, il n'a pas dit une personne, il a dit le croyant. Le croyant, c'est un haut degré de foi et de piété et de pratique. Le croyant, pour être croyant, c'est une personne qui évite les péchés et qui minimise les péchés et qui, en parallèle, fait beaucoup de bonnes œuvres, des actes de piété, des hassanettes. Il a dit, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, à côté d'une montagne, une montagne énormissime. Et il craint qu'à tout moment, elle tombe sur lui, cette montagne. Il craint que ses péchés tombent sur lui, leur effet, leurs mauvais fruits, leurs répercussions tombent sur lui à n'importe quel moment. Alors que c'est un croyant qui peut-être ne fait pas des gravissimes péchés. Mais c'est sa vision de la chose, parce qu'il a la compréhension de qu'est-ce qu'un péché. Après, il a dit, alors que le pervers, il n'a pas dit une personne, il n'a pas dit un musulman, il a dit le pervers. Le pervers, c'est quoi? C'est une personne qui excède dans les mauvaises actions, qui fait beaucoup de péchés. Donc, ses péchés à lui sont très certainement plus importants, plus graves et plus lourds que les péchés du croyant cité en premier. Sauf que ce pervers voit ses péchés comme si une mouche venait se poser sur son nez et qu'il la chassait avec un coup de la main comme ça. Par négligence, c'est rien, c'est juste une mouche. Comme ça, elle est partie. Ces péchés qui doivent être énormes, il les considère comme si une mouche s'était pas posée sur son nez et qu'il la chasse avec un revers de la main. Donc, là, on voit la nécessité que le musulman, lorsqu'il fait des péchés, doit avoir cette crainte, cette peur et ces remords auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout dernier, il y a le hadith d'une personne parmi les enfants d'Israël. C'était une personne de cette communauté qui, de son vivant, a excédé dans les péchés, dans les mauvaises actions. On a fait tellement, tellement, au point où, dans une version, lorsqu'il a rencontré Allah, il a dit à Allah, tu sais que personne ne t'a désobéi autant que moi. Cette personne, lorsqu'il était proche de la mort, a dit à ses enfants, si Allah peut me ressusciter, il va me châtier d'un châtiment qui n'a châtié personne, tellement il a fait des péchés. Alors il leur a dit, lorsque je meurs, incinérez-moi et éparpillez mes cendres dans le vent, dans une tempête de vent. Comme ça, Allah ne pourra pas me ressusciter. Bien sûr, Allah l'a ressuscité. Il a ordonné à la terre, réunit toutes les particules de cette personne. Il l'a ressuscité. Il lui a dit, pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? Pourquoi tu as demandé à tes enfants de t'incinérer et d'éparpiller tes cendres? Il lui a dit, j'ai eu peur de toi, oh Allah. Je t'ai craint. Je t'ai craint à cause de mes péchés que j'ai faits. Les gens de science ont dit, les savants ont dit, qu'il n'y a pas de crainte d'Allah sans foi en Allah, sans croyance. Alors cette personne, au fond d'elle, elle croyait en Allah. Et elle a eu cette crainte d'Allah Azza wa Jal, ce pourquoi Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Donc vous voyez l'importance de craindre Allah Azza wa Jal, de craindre ses péchés, et de ne pas faire comme si de rien n'était. C'est normal, j'ai fait un péché, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde, son pardon, à nous, à nos proches. et qui nous guide vers le droit chemin. Hadaballahu alam wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu barakallahu fikum.